Quand tu fais le fada, hey, faut que t'arrêtes un dada, hey. Chant le pradada, hey, chant la bebe dada, hey. Quand tu fais le fada, hey, faut que t'arrêtes un dada, hey. Chant le pradada, hey, chant la bebe dada, hey. Pour allumer le pet à la gazinière, c'est vrai la recette et la cuisinière. Tu portes de la passe, tu m'as fait aujourd'hui, n'oublie pas celle que je t'ai faite hier. Laissez-moi tranquillou, pas besoin d'être à la lumière. Je suis en Inde, signé Tiawelou, Sindhu, la lode, bout de l'univers. Je suis de retour comme Zizou. Roulette, je te fais la misère. L'œuf du stunt à la Suzu, qui le pied sur le rétroviseur. Ils se demandent mais d'où je sors, me jettent tous des mauvais sorts. À la casa, je reste tout seul, je planifie tout comme professeur. Joule dans le merco compresseur, je lève la capuche, je les vois, ils serrent. Ils reviennent tous quand l'album y sort. Quand j'inonde Spotify Deezer, je reviens pour mettre la panique. On fait des gus, même la famille. Je reste fidèle à mon signe, je suis pas dans les bails sataniques. Je t'en fais un, je suis en automatique. Mais putain, y'a pas de cheat. Regarde pas trop ma petite. Si tu veux pas que je m'achite, je passe en zone dans le cortège. Car du corps qui me protège, j'ai pris le rap en otage. 50 smic à un showcase, ils se sont moqués. Aujourd'hui je fais les showcase. J'sais que c'est des gros dégueux, donc pas besoin d'être bloqué. Quand tu fais le fada, hey, faut que t'arrêtes un adada, hey. Chant le pradada, hey, chant la bête me dada, hey. Quand tu fais le fada, hey, faut que t'arrêtes un adada, hey. Chant le pradada, hey, chant la bête me dada, hey. T'as rien de platine, hey. T'as pour la team, hey, je vais pas un centime, hey. Si tu parles mal devant le mic, si je te croise, nique le que moque. Moi j'ai plus le temps pour les comics, j'crée millions d'euros quand j'allume mon Mac. Je vois que t'as faim, tu me dis c'est mon mec. Malgré tout ça, tu veux mon name. Et maintenant, tu veux mon hymne parce que t'as vu que j'avais de la monnaie. J'suis sans Goku, j'suis Vegeta. Touche-moi, moi je viens chez toi. Ça change d'adresse et de visage. Ça se repentit comme Bruchetta. Capuché pour chez tout, ouais. Me la fais pas chez tout, ouais. J'dis rien, j'vois tout, j'écoute. Y'a que des fils de pute, ça me dégoûte, ouais. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. J'parle pas au tel, j'sais que j'suis réécoute. T'entends des choses et tu les répites. Après tu les remixes, ça fait des réputes. Fils de putain, un fils de pute. Et dans tout ça, toi c'est quoi ton but? J'suis tout mimi comme un bébé pite. Intro Marseille, tu connais l'équipe. J'fais moins de feat, y'aura moins de pute. Y'aura moins de fuite, y'aura moins de fautes. Ah, au fradé, j'ai toujours mon dégradé. Mon disque d'or sur le bon coin. De toute façon, ça c'était cadeau. Finalement, j'aurais dû le garder. Oh là là, c'est pas beau. Je vais remplir le vélodrome. Y'aura la queue jusqu'au rond-point du Prado. Hein. Oh là là, j'ai pas qu'à faire des crises au mic. J'ai du mal à m'exprimer. J'en ai gros sur le cœur comme un chrysomique.